Salut à toutes et à tous, ici Donny Jeep, bienvenue pour ce troisième épisode de Hunter Player 2. Alors on va boucler l'année puisque nous sommes déjà en décembre et pour boucler l'année en beauté, on va aujourd'hui découvrir un petit peu Jérémy. Jérémy qui est en fait le créateur d'une émission qui est très intéressante, que j'aime beaucoup, qui s'appelle D'amour et d'histoire. Donc bienvenue Jérémy, bonjour. Eh ben salut Donny, merci pour cette introduction, c'est charmant. Ça fait plaisir d'entendre que son émission est appréciée par quelques auditeurs en tout cas. Et j'espère qu'on va passer avant tout un super moment ensemble, parce que je suis là principalement pour ça bien sûr. Ben écoute, oui, ben de toute manière après le principe de Hunter Player 2, je le répète à chaque fois, mais pour ceux qui nous prendraient en cours, c'est en fait de faire découvrir quelqu'un qui d'habitude fait découvrir en fait des créateurs ou des créatrices ou des créations, donc dans tout ce qui est le jeu vidéo. Donc voilà, en apprendre un peu plus sur cette personne-là qui d'habitude met en avant les autres. Et donc là, c'est un espace de mise en avant. Donc c'est pour ça, je suis bien content de t'accueillir. J'espère justement qu'effectivement, on va passer un bon moment, que les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent ou nous regardent sur YouTube, même si en fait il n'y a pas trop d'illustrations vidéo, hein. C'est plutôt une émission radio, en tout cas c'est comme ça qu'elle est pensée, mais j'espère qu'ils vont passer eux aussi un bon moment. Donc sans transition, avant de rentrer justement dans le côté comme d'habitude plus jeu vidéo, déjà est-ce que tu peux te présenter rapidement, qui es-tu Jérémy, d'où viens-tu, qu'est-ce qui te fait bouger dans la vie? Ah, qu'est-ce qui me fait bouger? Alors pour me présenter, je vais éviter de tomber dans le truc trop formel quand même, mais bon, on va quand même donner les petites infos de base. Donc je m'appelle Jérémy, de mon nom Valade, je suis clermontois, même pur Auvergnat pour ceux qui connaissent cette sombre région française. Et voilà, j'ai 22 ans. Actuellement, je suis en master dans une école qui est quand même une école qui touche un peu à ce qu'on aime, le jeu vidéo, sur Lyon. Donc j'ai quitté ma région natale pour aller explorer d'autres contrées. Et puis voilà, quoi. Pour la présentation, on va dire, de base, je m'arrêterai là. Et après, sinon, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que ce qui me tient le plus à cœur, vraiment, dans la vie, c'est d'aller à la rencontre d'œuvres, qu'elles soient de toute manière cinématographiques, musicales, littéraires, tout ce qu'on veut. La liste peut vite être longue de toute manière dans ce domaine-là. Et voilà, donc c'est ce qui m'intéresse. Et c'est surtout ce dont j'aime parler, notamment à travers D'amour et d'histoire, mais qui est focus sur le jeu vidéo, qui est un petit peu muté d'ailleurs, mais on aura l'occasion d'en reparler. On va effectivement en reparler, mais en restant justement un peu plus, pour le coup, sur tous les à côté, qui sont peut-être le plus important de toute façon, sur toi. Donc tu disais que tu étais en école en fait, donc autour du jeu vidéo, la Gaming Business School, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, Gaming Business School. Et tu fais quoi de beau dedans? Qu'est-ce que je fais de beau dedans? Eh ben, si on va pour expliquer un petit peu aux gens, c'est quand même une école, ça reste une école de business, mais avec une orientation jeux vidéo. Donc, on essaie de former. Enfin, je suis la première promotion, donc forcément l'école débute. On essuie aussi les plâtres. Enfin, je pense que je vais les essuyer dans les mois à venir. Forcément, c'est toujours l'apanage des premières promos. Mais en tout cas, c'est vraiment une école de business qui essaie de comprendre les codes du jeu vidéo et de nous les inculquer pour que justement on puisse finir, par exemple, dans la gestion de projet, autant dans le côté communication, le côté production de jeux vidéo, ou même dans la voie que j'ai choisie, c'est-à-dire l'entrepreneuriat, quoi, pour essayer d'entreprendre dans ce secteur qui est loin d'être facile, mine de rien, et où il y a une forte dépendance financière, parce que faut savoir une chose quand même, c'est que même les plus petits projets dans le jeu vidéo, qui avec une certaine ambition, même une ambition qui reste raisonnable pour un indépendant, c'est des projets qui coûtent cher, qui se chiffrent très rapidement en millions. On peut aller de 2 millions à 500 millions pour du Destiny. Donc, c'est une industrie qu'il faut vraiment comprendre au niveau financier pour l'approcher, quoi. Il n'y a pas que le côté créatif. Et nous, on travaille plutôt sur le côté financier, tout en enfin, sans négliger le côté créatif, quoi. Parce qu'il faut aussi apprendre à cohabiter avec justement les créatifs, qui sont pas forcément toujours ravis de la présence des businessmen, quoi. Ouais, il faut trouver un juste milieu. Et donc toi, justement, d'un point de vue professionnel, donc t'aimerais vraiment partir donc dans le côté on va dire plus management dans ce genre-là en fait, où t'as quand même une débilité justement de côté créatif. C'est quoi exactement à terme ce que t'envisages, si t'envisages quelque chose d'ailleurs, peut-être que t'es encore, que c'est aussi en pleine mutation chez toi dans ton esprit. Si t'as, comme tu dis, t'as 22 ans, bon, on sait pas toujours, même moi à mon âge, je ne sais peut-être pas encore ce que je ferai d'ici à 10 ans, donc Ouais, mais c'est la beauté de la vie, ça. C'est vrai que la vie n'est que changement, forcément. Mais j'ai quand même une idée un peu d'où, on va dire, vers où j'aimerais aller un peu plus tard. Mais disons que le côté, je serais plus côté communication, je pense. Pas forcément du côté des chiffres purs, même si faut y passer un petit moment. S'il faut, bah, j'y passerai un petit moment. Et puis. Derrière les chiffres, il y a quand même une certaine compréhension aussi de comment fonctionne un projet, pourquoi des deadlines, pourquoi des coupes au niveau technique, pourquoi voilà, pourquoi on est obligé de revoir les ambitions à la baisse, comment on gère tout ça. J'aime bien le côté, enfin je sais pas si on, peut-être qu'on en reparlera au fil de la conversation, mais j'aime bien le côté, les compromis en fait dans la vie. C'est quelque chose que je trouve d'assez fascinant, de réfléchir à, on va dire, on a plusieurs objectifs ou un objectif. On a des moyens, mais les moyens couvrent pas forcément l'objectif. Et il faut réussir à faire des concessions, à faire les bonnes concessions. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc, le côté business m'a toujours plu, de toute façon, dans mes études. Mais après, c'est vrai que je vais pas nier que j'ai aussi une propension à être créatif. Et j'essaie de la cultiver parce que j'adore la créativité sous toutes ses formes. Le simple fait de pouvoir s'exprimer, je trouve que c'est une des plus belles choses qu'on a, les humains, finalement, sur Terre. Et c'est pour ça que cette conversation avec toi me fait vraiment plaisir, parce que voilà, c'est une fenêtre, encore une fois, pour parler de choses et d'autres. Et c'est ce que j'aime dans la vie, quand même, principalement, parler de choses et d'autres, finalement. Je te comprends rien. Non, mais en plus, c'est vrai que comme tu dis, le fait d'échanger, de parler, de communiquer, c'est quand même vraiment important. Ça nous apprend qui on est en fait déjà. Ça nous apprend aussi avec par rapport aux autres. Et donc, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et comme tu parles de créativité, avant de rentrer dans le côté jeu vidéo, justement, est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres, comme tu dis que tu es quelqu'un qui est intéressé par beaucoup de, on va dire, de disciplines, tout ça. Qu'est-ce qui, alors bon. Dans les grandes largeurs, cinéma, musique, t'en as déjà parlé. Du dessin aussi, il me semble, parce que sur ta bannière de chaîne, il me semble que c'est toi qui as fait les dessins, c'est ça? Alors sur ma bannière de chaîne, non, c'est pas moi, et c'est aussi ma bannière Twitter, c'est pas moi qui ai fait les dessins. C'est une tweetos que j'avais repérée, justement, parce que je me disais, ah, elle a une patte sympathique. Elle faisait un peu des dessins un peu japonisants, quoi. C'était très chouette ce qu'elle fait. Et elle s'appelle Calomiel. Alors je sais plus si c'est son pseudo actuellement, mais c'était ça à l'époque. Calomiel, comme le miel des nounours. Et c'est enfin, franchement. J'aime beaucoup ce qu'elle faisait. J'aimais à l'époque, j'aime toujours, bien sûr. Et voilà, je lui avais fait appel, et elle avait répondu à ma demande dans des tarifs qui sont tout à fait raisonnables, même gentils par rapport à d'autres. Mais tu dessines toi quand même, non, il me semble. Non, moi je dessine pas, c'est mon papa qui dessine. Ah, je sais, tu vois, mais je sais pas pourquoi j'étais persuadé que c'était toi qui dessinais en fait. Non, non, non, c'est non, non, j'ai peut-être certains talents, enfin je sais pas, hein, c'est difficile à dire et ça serait trop prétentieux de le dire, mais en tout cas pas celui du dessin, ça c'est clair. Non, non, c'est mon père qui fait les dessins en fait des vidéos d'amour et d'histoire. Voilà, donc je sais pas si je peux parler un tout petit peu d'amour et d'histoire pour expliquer Ben un peu comment on c'est va y venu, revenir etc. après, donc comme ça tu vas pouvoir expliquer, t'inquiète pas, mais on y arrive, hein, si je comprends quelques chemins de traverse, parce qu'il y a un truc qui m'a surpris, et tu vas peut-être m'expliquer, c'est il paraîtrait que tu parles français, anglais, et il paraîtrait que tu parles un peu chinois. Comment d'où sort cette info? Ah bah écoute, j'ai un travail d'investigation, tu sais que Denis Deep Gaming, on n'hésite pas à aller chercher des sources fiables pour savoir un peu ce qui se passe. Mais je crois qu'elles sont fiables. Si elles sont pas fiables, ça veut dire qu'il faudra que je m'attende à un remboursement parce que j'ai payé rubis sur ongle pour avoir cette info. Donc est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est comme sur les pages Wikipédia où les mecs en rajoutent sur les CV alors qu'en fait pas du tout? Non, c'est vrai, enfin, c'est vrai. Je peux pas dire foncièrement que je parle chinois, mais Disons que j'ai eu un petit passage à la fac, comme beaucoup d'entre nous, comme toi, je pense. Non, je crois que tu as été à la fac à un moment. Ah, tu ne veux pas que je parle de la fac, ça serait quelque chose. C'est comme si je parlais de ces jeux vidéo. C'est comme un Fallout en fait, avant qu'il soit patché. Hein. La fac et moi, c'est ça un peu. Mais parle de la fac toi en tout cas, parce que c'est toi l'Interplayer 2. Moi, je suis Interplayer 1, donc j'ai pas besoin pour l'instant de D'accord, raconter ma d'accord. vie. Mais effectivement, j'ai eu un passage assez chaotique en fac. Et avant de trouver ma voix aussi. Donc toi, ta voix serait un peu mandarine. Ouais, bah, peut-être, je ne sais pas, mais effectivement, il y a même quelques moments qu'il faudrait que je retrouve, que j'avais enregistré, parce que voilà, j'ai fait un peu de chinois débutant, hein, pendant mon année de fac, parce que j'ai fait une fac un peu en infocom, justement, toujours un peu dans le monde de la communication, tout ça. Et fallait choisir une langue en plus de l'anglais. Et vu que j'avais goûté à l'espagnol et l'allemand avant, sans jamais approfondir aucune des deux, bah, je me suis dit, quitte à ne pas en approfondir une troisième, bah, autant en prendre une qui a l'air sympa. Donc j'ai pris le chinois. Il y avait le russe ou le chinois. Donc effectivement, il existe même sur mon ordi ou sur un disque dur des enregistrements que j'ai préparés où je parle chinois. Donc voilà, j'ai quelques bases en chinois. Et là, actuellement, on avait encore le choix entre plusieurs langues. Et étant donné que le chinois était vraiment trop compliqué, parce qu'il faut savoir qu'en chinois, un même mot, en fait, par exemple, quand on dit ba, si on dit ba, ba, ba, ben, en fonction des tons, en fait, employés, ça ne veut pas du tout dire la même chose. Ça peut dire maman, ça peut dire non, ça peut exprimer la négation, etc. Donc, cette spécificité, en fait, du chinois m'a tellement fait peur que je me suis dit, cette année, il faut que je commence autre chose. Et du coup, j'ai pris japonais. Donc, je vais être mandarin japonais. Et le côté culturel est très intéressant aussi. Ce que j'avais aimé avec les cours de chinois, c'était justement ces moments où on faisait 2 heures de cours, on parlait de la langue et elle nous disait, bon, aujourd'hui, on va faire un peu de culture chinoise. Donc, c'était intéressant de voir, en fait, je dirais, la cassure qui s'opère entre la culture traditionnelle chinoise et le monde chinois actuellement, en fait. Même la Chine se mondialise énormément et perd certaines de ses traditions les plus ancrées, on va dire, quoi. Elle avait bien réussi à nous l'expliquer, notre prof de chinois à l'époque, et je trouvais ça intéressant, quoi, ce côté. Et oui, en plus, tu dis la Chine, mais c'est un pays tellement grand au niveau des langues. En plus, ils les parlent différemment suivant les régions où ils sont. T'as donc le mandarin, t'as le cantonais. Au niveau des cultures, c'est totalement différent aussi. Sachant en plus qu'il y avait Hong Kong, mais qui était anglais, qu'ils ont récupéré par la suite. Là, en plus, tu prends le Japon, c'est un peu pareil. T'as tout le côté, on va dire, vachement moderne, technologie, tout ça, qui se marie vachement avec le traditionnel. Donc, en plus de la langue, c'est effectivement une discipline où tu peux apprendre sur les cultures, parce que le plus intéressant en fait d'apprendre des langues, c'est après de les utiliser pour aussi découvrir des cultures et donc d'autres personnes aussi. Et encore, on revient à cette histoire de communication et d'apprendre des autres et d'apprendre sur soi à travers les autres, quoi. Ouais, c'est fascinant. Puis là, en commençant le japonais, c'est encore d'autres mécaniques de langage, quoi, à acquérir. Enfin, c'est assez fou, quoi, avec les différents. J'ai pas les termes en tête. J'essaie de les sortir. Mais en gros, il y a plusieurs, on va dire, alphabets, quoi. Et dans le japonais, c'est plutôt fascinant, quoi, en termes d'apprentissage. En définitive, c'est fascinant, et c'est surtout d'autant plus fascinant dans le sens où j'ai 22 ans, et 22 ans, c'est difficile d'apprendre une langue. En fait, on ne se rend pas compte, mais c'est beaucoup plus simple de commencer quand on a bah, 5, 6 ans, enfin, au début, quoi. Quand on commence à approfondir notre propre langue, le français en l'occurrence. Mais c'est assez fascinant ce truc-là de. Il faut réussir à se dépasser, quoi. Il faut s'en donner les moyens d'apprendre une langue. A fortiori, des langues qui sont pas du tout occidentales, quoi. Des langues d'amour et d'histoire, tu en parles, c'est tu le parles en français, et c'est déjà une belle chose. Alors justement, d'amour et d'histoire, quand c'est que c'est venu et comment ça t'est venu en fait? Quel besoin, pourquoi en fait, d'amour et d'histoire? Wow, la question, on va puiser dans les souvenirs, tant bien que mal. Je sais pourquoi je le fais, et enfin, c'est quand même bien de savoir pourquoi on le fait. Je sais pourquoi je le fais, et je connais un peu les origines. Après, te donner la date, c'est un peu compliqué, mais. En fait, je veux pas forcément d'effet, je veux vraiment toi, ce que, enfin, pourquoi, en fait, à quel moment tu as eu envie, parce que, voilà, de partager, de raconter, s'il y a bien un dénominateur. Enfin, on dit qu'il y a un moment, mais en fait, on se rend compte qu'il n'y a jamais un moment clé. c'est plutôt un long, ça mature, c'est un long processus souvent, hein. Ouais, effectivement. Bah, ce qu'il y a de sûr, c'est que, bah, allez, je vais le lâcher parce que c'est important. Quand je prenais des notes, en fait, ce matin, là, pour préparer cette petite conversation, j'essayais de voir justement les points clés un peu de ma vie, de voir à quel moment j'ai évolué. Je suis passé vers le partage de le partage de contenu culturel, etc. De comprendre pourquoi, en fait, le pourquoi du pourquoi même. Et c'est vrai qu'il y a une date qui est clé, qui est bien avant d'Amour et d'Histoire, mais la date clé, je dirais, qui est en lien avec le Jérémy d'aujourd'hui, si je peux m'exprimer ainsi, ça va être dans l'année 2013 probablement. Je ne suis pas certain de cette année, mais il y a des chances que ce soit celle-ci, l'année 2013, parce qu'il y a un groupe, en fait, donc je vais parler de toute autre chose, mais après je vais revenir sur le sujet. Il y a un groupe de musique qui s'appelle Fauve, je ne sais pas si tu le connais, le groupe Fauve. Oui, je connais, alors après je suis pas hyper calé et je peux pas dire que c'est ce que j'écoute forcément, mais je le connais. D'accord. Donc, il y avait un groupe, enfin un groupe, c'est même pas un groupe, c'est un collectif, et c'est important de le souligner parce que c'est pas la mentalité d'un groupe, c'est vraiment un collectif. Donc, un collectif de musique. C'est très difficile de mettre un genre sur ce qu'ils faisaient. C'est, on pourrait pas, on pourrait dire que c'est de la musique parlée, quoi, quelque part. Et mais ce qu'il y a de sûr, c'est que quand j'ai découvert ce groupe, en fait, en 2013, avec leur premier EP qui s'appelle Blizzard, que je vous invite à écouter si vous ne connaissez pas le collectif, qui depuis a cessé ses activités musicales, on va dire. Mais à l'époque, en tout cas, quand ils ont sorti ce premier EP, ça m'a vraiment percuté dans le sens où je me suis dit, finalement, ce groupe, les chansons qui, les mots qui grattent et qui chantent derrière, qui parlent, qui chantent parfois au début un peu avec certaines maladresses, on pourrait dire. Mais c'est en tout cas, on sentait chez eux une envie d'expression, une importance de s'exprimer et quelque part avec nos différences. C'est-à-dire que c'était vraiment un collectif au sens le plus pur du terme, je dirais, puisque chacun avait sa place. C'était autant dans la création graphique, donc avec les pochettes d'albums, le côté musical. Finalement, ça rejoint beaucoup d'amour et d'histoire aussi. Je soigne particulièrement les miniatures avec les dessins de mon père, et on aura l'occasion d'en reparler. Mais j'aime bien ce côté expression de ce qu'on a envie de dire, avec une totale liberté créative, sans frontières, et sans se dire dans le prochain épisode sera comme ça, avec tel code, etc. J'aime bien le côté se renouveler et suivre ses envies, quoi, suivre le feeling du moment quelque part. Oui, pas rester dans un figé en fait, dans un format trop structuré, trop dans le contrôle en fait, Et d'accord. surtout, finalement, voir un peu le côté création comme un exutoire, quoi. Parce que c'est ça, hein, Fauve, finalement. Il y avait trop de choses, en fait, qui leur passaient par la tête. Et avant de finir en burn-out, ils se sont dit, bon, faut faire quelque chose, quoi. Et ils sont partis de cette nécessité d'expression. Ils ont réussi à créer tout un univers qui leur est propre. Et ils ont aussi, comme le disait Merwan dans l'épisode précédent, Merwan étant forcément un ami commun, Merwan souligne, et on en parle souvent ensemble, que tout projet doit avoir une fin, en fait. Et c'est un principe que justement ils ont appliqué, quoi. Quelque part, au bout d'un moment, ils ont dit, on a fait le tour, on a dit ce qu'on avait à vous dire, on s'est exprimé. Bah maintenant, voilà, quoi. Bonne route, quoi. Chacun de notre côté. Et j'aime beaucoup ce côté, chacun s'exprime. En concert, on se regroupe. Et moi, c'est quelque chose. Bon, je suis pas artiste, je chante pas, je joue pas de musique, mais l'énergie du concert, c'est quelque chose que je trouve assez fantastique. Tout comme la radio que j'aime beaucoup pour d'autres raisons. Donc, quand j'ai découvert ce groupe, quelque part, j'ai basculé vers une autre personne. Je pense que je suis aujourd'hui qui aime beaucoup, en fait, le côté ne pas se placer de barrière, s'exprimer et surtout. Cracher de la manière la plus belle ce qu'on a à dire, quoi. Et quelque part, d'amour et d'histoire, c'est un peu ça. Parce que quelques années plus tard, donc ça doit être sur le coup de, on doit être sur du 2016, à peu près, quand j'ai commencé d'amour et d'histoire. Enfin, peut-être, ça doit être été 2016, si je me trompe pas. Ça doit être quelque chose comme ça. Ou été 2017, peut-être. Je suis peut-être à un an près. Alors je sais pas si c'est un an près, si on va sur, parce que au début tu vas en parler, tu commences par le mettre sur YouTube, et effectivement la première en fait la première vidéo que tu mets là-dessus, alors est-ce que tu l'as créée, je sais pas, c'était en septembre 2017, mais tu l'as peut-être créée avant, ça je peux pas. Voilà, donc on était, voilà. Donc finalement, 4 ans après la découverte de Fauve, et entre-temps, ils ont arrêté. Bah, ce qui est sûr, en fait, c'est que il y avait eu cette envie. Entre-temps, j'avais écrit des articles aussi sur Gameblog. Au moment, justement, où j'ai découvert FOV, c'est pour ça que j'ai essayé d'identifier le point de changement, et c'était vraiment la découverte de ce groupe, quoi. Et à tel point que, petite anecdote, j'en profite pour raconter, pour mes 18 ans, en fait, pour mon anniversaire, j'ai demandé un pendentif sur mesure qui est le logo du groupe, en fait. Et voilà, c'était un bijou, c'était pour marquer le coup un peu. Et c'est un bijou que j'ai jamais quitté finalement, ou très peu, que dans des moments où voilà, c'est enlever tout signe de métal sur vous, parce que vous pouvez pas passer là. C'est un peu comme à l'aéroport, quoi. Mais je l'ai quitté vraiment que dans des moments, parce que c'est, j'aime en fait, j'aime porter la différence à travers mes créations, et j'aime écouter, lire, visionner des artistes en fait, qui quelque part qui vantent aussi cette liberté créative, et surtout qui n'hésitent pas à mettre en avant leur différence, et grâce à leur différence, à créer, tout simplement. Oui, Voilà. parce qu'en fait, c'est quelque chose qui a tout autant fait créer une émulation chez toi, parce que ça donne envie de créer, mais fait aussi écho à ce que tu as l'impression d'être ou de ressentir à ce moment-là. D'ailleurs, ce pendentif, tu l'as toujours là en ce moment, tu le portes toujours. Ouais, toujours là, je l'ai autour du cou, et voilà, c'est un petit pendentif en or. Ouais, donc c'est vraiment quelque chose que tu as intégré qui fait partie de toi, parce qu'il te définit. Enfin, en tout cas, c'est ce que tu as l'impression qu'il est. Ouais, oui. Et j'aime beaucoup parce qu'il y a des gens qui connaissent pas le groupe qui me disent, ah, t'as le symbole différent. En fait, le savoir, c'est le égal barré, en fait. C'est symbole, là, en maths, qui veut dire différent. Et j'aime beaucoup parce qu'il y a des gens qui reconnaissent le groupe, qui me disent, ah, t'écoutais Fauve et tout. Et parfois, les gens me disent, ah, bah, ça fait plaisir d'avoir quelqu'un. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça cette année, c'est pour ça que je dis ça à la rentrée. Qui m'a dit, ah, bah, ça fait plaisir de savoir que t'écoutes, parce que j'avais honte de dire que j'écoutais à l'époque. Et je me dis, bah, non, faut pas avoir honte, quoi. C'était super, Fov, quoi. Après, c'était une époque, quoi, quelque part, mais ça m'a vraiment laissé une trace, et ça m'a montré que ouais, quand on avait quelque chose à dire, il fallait le dire, quoi. Fallait pas rester dans son coin et intérioriser. Parce que je suis quelqu'un qui intériorise beaucoup de nature. Et depuis l'écoute de ce premier EP, donc Blizzard, je rappelle, Blizzard avec deux Z, et qu'il faut absolument écouter, ben, je me suis dit, il faut que je m'exprime de plus en plus. Et au fil des mois, années, ben, de plus en plus, finalement, je me suis exprimé, que ce soit à travers mes articles sur Gameblog, donc en parlant du jeu vidéo. Mon premier article étant un article sur ce fabuleux jeu qui est donc Quiconque Tropical Freeze sur Wii U. Bah, depuis cet article, bah, j'ai pas cessé de m'exprimer, quoi, que ce soit avec le One by Day, avec D'amour et d'histoire, avec mes différentes rubriques qui sont désordonnées, un peu comme mon esprit finalement, où parfois je pars un peu à droite, à gauche. Mais en tout cas, voilà. Quand j'aime quelque chose, maintenant j'en parle. J'essaie de me contenir, de pas parler de ce que j'aime pas, et de pas toujours râler, parce que je suis quelqu'un, j'ai une personnalité de quelqu'un de très râleur. Mais en tout cas, voilà. Disons que j'ai acquis cette envie de parler, et aujourd'hui je m'en sers aussi comme quelque part, je pense toi aussi tu le fais, Donny, à travers tes contenus. Quand t'aimes quelque chose, tu sais, c'est aussi à ce côté thérapeutique, quoi. C'est pas que parler pour dire, ah, c'est pas un jeu d'ego quelque part, hein. C'est vraiment parce que c'est thérapeutique pour nous, ça nous sert, ça permet d'approfondir nos passions, de quelque part de partir de quelque chose, et d'avoir cette sensation à la fin quand on a écrit une vidéo, par exemple, ou qu'on a écrit un article ou autre, il y a vraiment cette sensation d'achèvement, quoi, de j'ai fait quelque chose. De plénitude. Ouais, exactement, ouais. C'est le mot exact. Cette sensation de plénitude d'avoir accompli quelque chose dont on est fier quelque part. Parce qu'il y a toujours une part de fierté, il ne faut pas le nier, c'est important d'être fier de ce qu'on fait. Je pense, au début d'ailleurs, on n'est pas forcément aussi fier. Puis en fait, finalement, à la fin, on n'est pas fier parce qu'on a envie de repartir sur autre chose de mieux. Donc on n'est jamais fier. Mais il y a toujours quelque chose qui nous fait plaisir, quoi. Et on a cette sensation de plénitude. Et c'est une des plus belles sensations qu'on puisse avoir, finalement. Et c'est pour ça que petit à petit, il y avait cette envie qui montait de m'exprimer différemment, quoi. Plus à l'écrit sur mon blog, voilà, la vidéo, tester l'audio, tester un peu les différents formats. Et avant même de créer, j'étais passionné par le format audio, quoi, le côté radio. Sans doute probablement par mon paternel aussi, qui est vachement branché radio, qui aimait aussi les émissions comme Apostrophe, qui voilà, qui a cette, on va dire, cette culture du débat, avec justement sans limite, où les gens fumaient sur les plateaux, se racontaient des conneries parfois, mais tant pis, parce que c'est ce qu'il y a de plus beau, en fait, finalement, de faire ce que j'appelle un peu ce que, mais j'en reparlerai peut-être plus tard si on parle de radio et de podcast. Il y a un principe que j'aime beaucoup, c'est le small talk, en fait. Et j'aime bien ça, ce fait de parler de manière informelle, de ne pas dire forcément grand-chose, mais de réussir à capter l'attention de l'autre en choisissant bien ses mots, finalement. Parce qu'on peut parler tout en le rendant intéressant. Ça, c'est un principe que j'aime beaucoup. De même parler, de réussir presque à parler de la météo, de se mettre ce défi-là et de se dire, putain, faut que j'intéresse l'autre en parlant de la météo. C'est un truc à la con, hein. En fait, c'est ce qu'on appelle la narration. C'est souvent les gens confondent histoire et narration. Et l'histoire, c'est ce qu'on raconte, et la narration, c'est la façon dont on le raconte. Et la plupart du temps, comme tu dis, en fait, les plus belles choses, c'est pas tant les plus belles choses qu'on raconte, c'est les plus belles choses dans la façon dont elles sont contées. Et c'est ce qu'on retrouve. Et c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup d'ailleurs ton émission. D'ailleurs, on va commencer à rentrer là-dessus, parce que c'est bien. On a un point commun les deux, par contre. C'est qu'on a un art de la digression assez exceptionnel, donc c'est vrai que on va rentrer quand même un peu plus sur d'amour et d'histoire. Et d'ailleurs, tu parlais justement des premiers pas. Donc en fait, tu te mets sur YouTube, tu fais des vidéos. Et donc pourquoi en fait avoir choisi ce côté-là vidéo au tout départ? Parce que au tout départ, les premières émissions, tu ne parles pas que d'une œuvre en particulier. Tu fais plutôt une sorte de petit pot-pourri sur, on va dire, 10 minutes. Où tu vas parler, par exemple, bah, d'un groupe de musique, d'un jeu, d'une BD, d'un film ou d'une série. Donc en fait, c'est plutôt pour parler à des choses qui te plaisent. En fait, c'est ça. En fait, grosso modo, c'est une sorte de petite sélection, on va dire, le Jeremy's Digest du moment, quoi. Oui, bah exactement. C'était ça l'idée à l'époque. C'était vraiment bah, justement, je voulais pas me mettre de barrière créative, donc je me suis dit pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'est aussi un principe que j'aime depuis tout petit. J'aime bien me compliquer la vie. Et là, je me suis dit bah pourquoi viser que le jeu vidéo? Parce que j'ai réfléchi en amont forcément. Je me suis dit, comment conceptualiser ça, etc. Et justement, j'ai parlé avec Merwan qui était là à l'époque. Avant de lancer cette émission, discuter ensemble, j'avais plein de questions parce que je me pose toujours plein de questions. Je me dis, est-ce que je suis légitime pour faire ça? Est-ce que ce format est bon? Est-ce que ça serait pas mieux comme ça, etc. Donc, il m'a donné ses lumières sur mes différentes questions. Et pas que lui d'ailleurs, il y avait Robin et d'autres auxquels je passe un bisou forcément. Et je me posais plein de questions. Et juste pour revenir dessus, et après je réponds, mais très rapidement, le nom d'Amour et d'Histoire, en fait, il vient que j'ai, justement, à l'époque où je me posais toutes ces questions, j'écoutais, c'était France Inter, je crois, et je me demande si c'était pas l'émission Boomerang, non, c'était pas Boomerang, c'était Blockbuster de Frédéric Sigrist, qui fait une super émission pop culture sur les ondes publiques, que je vous conseille aussi. Et justement, il parlait, je crois, de Buffy, ça devait être la série Buffy. Contre les vampires. Et il y avait un intervenant qui disait que Buffy, en fait, le succès de Buffy, c'était justement lié au fait que ce qu'on aime finalement dans la vie, ce que les gens aiment, les spectateurs, les auditeurs, voilà, les gens qui donnent de leur temps pour écouter, lire ou visionner quelque chose, ce qu'ils recherchent, c'est vraiment bah justement, ils recherchent l'amour et les belles histoires quelque part, ou en tout cas les histoires. Et finalement, quand on réfléchit, les grandes sagas au cinéma, comme Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, ou d'autres, qu'est-ce que les gens vont chercher quand ils regardent ces sagas? Justement, ils vont chercher justement des histoires étoffées et avec des relations, côté relationnel. Ils cherchent des personnages aussi. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce titre, parce que quand j'ai entendu ça à la radio, je me suis dit, waouh, ça a popé dans ma tête. Ça m'a, voilà, comme je le mets dans la description de ma chaîne, j'ai ce phénomène où il y a un sourcil qui s'est levé. Je me suis dit, bah, c'est pas con ce qu'il dit, quoi. Et puis quelques minutes après, je me suis dit, ah, putain, mais en fait, c'est même pas que c'est pas con, c'est que c'est le mec a tout résumé, quoi. Parce que quelque part, c'est ça que moi, en tout cas, en tant que voilà, spectateur derrière la vitre, c'est ça que j'apprécie le plus, quoi. Qu'on me donne de l'amour et des belles histoires, quoi. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce titre-là. Et pour en revenir aux prémices, donc, d'amour et d'histoire, oui, bah, au début, je me suis dit, faut que je parle de tout. J'avais envie de faire une espèce d'émission. J'étais parti sur le côté hebdomadaire, etc. Enfin bon, là, je suis aussi quelqu'un qui me fixe beaucoup de contraintes. Et on pourrait faire un débat entier là-dessus, parce que je trouve qu'il y a autant la contrainte en elle-même est quelque chose de positif comme quelque chose de négatif. Mais ça, c'est tout un sujet. Mais en tout cas, voilà, je me fixais plein de contraintes, et en tout cas, une de ces contraintes, et ce n'était pas vraiment une contrainte, mais c'était plutôt une de mes volontés, était vraiment de parler de plein de domaines artistiques, parce que j'aime trop de choses en fait, et j'ai envie de parler de trop de choses. Et aujourd'hui, c'est vrai que je parle que de jeux vidéo dans D'amour et d'histoire, et il est passé aussi au format audio, mais je pense que tu vas me ramener là-dessus un peu juste après. Mais c'est pas dit que demain, je passe pas sur une émission totalement différente. J'aime beaucoup le côté casser les codes, je l'ai dit juste avant. Et aujourd'hui, même si je m'épanouis pleinement dans les sujets que j'aborde, qui sont liés uniquement aux jeux vidéo, où je parle d'œuvres directement, bah peut-être que demain je me lasserai de ça et que j'aurai envie de plus, ou en tout cas de quelque chose de différent. Mais à l'époque, j'avais cette envie-là de faire mon pot pourri, quoi, justement, et de rendre honneur à cette expression. Ouais, mais justement, donc là tu vas faire quand même quelques vidéos, donc il y a une chaîne sur YouTube. Donc comme on dit, ouais, je dis un pot pourri, mais dans le sens noble du terme, parce que justement, effectivement, tu mélanges, et c'est bien de mélanger que ce soit de différentes disciplines culturelles, parce que oui, il faut pas tout se formater sur juste une chose. Et donc ça, tu vas le faire en fait, donc grosso modo, donc bah, pendant 6-7 mois. Et effectivement, donc c'était des vidéos où finalement tu mettais des illustrations avec des extraits et tout. Et en fait, tu vas passer après justement sur SoundCloud et tu vas faire donc la rubrique qui va se focaliser sur le jeu vidéo. Même si quand on va discuter, on va se rendre compte que tu parles d'un jeu vidéo, mais il y a bien plus que le jeu vidéo dedans. En fait, c'est un point de départ, mais c'est jamais en fait le corps même du. Enfin, il y a autre chose. En tout cas, c'est comme ça que moi je le perçois. Tu me diras toi si c'est le cas. Pareil, en fait, c'est chacun. C'est du moment que tu donnes une œuvre, en fait, parce que quelque part, tu es créateur. Même si tu parles de quelque chose, tu es créateur. Et du moment que tu donnes quelque chose à entendre à quelqu'un, il aura une lecture différente et ton histoire t'échappe. Et au bout d'un moment, il y a autant d'histoires que de personnes qui les racontent, en fait, et qui les écoutent aussi parce qu'ils se la créent eux-mêmes. Et donc justement, en fait, tu débarques sur SoundCloud et là, il y a vraiment un travail beaucoup plus prononcé sur l'audio. Et avant de parler de l'audio, j'aimerais quand même que tu parles aussi de tout ce qui va être, enfin c'est de l'audio, hein, mais de la narration et du texte, de l'écriture. Tu en as parlé un petit peu en introduction de l'écriture, parce que ce que tu fais, c'est vraiment quelque chose d'écrit, hein, ce que tu enregistres après, mais tu fais pas une improvisation, hein. Donc est-ce que tu peux parler justement du processus qui amène à ce truc-là et ce côté sur maintenant, ce format, avec un audio qui est quand même super travaillé, avec des bruitages, des musiques, quel est un peu ton fonctionnement pour créer tout ça en fait? Alors, pour expliquer un peu mon fonctionnement, donc déjà pour présenter un peu l'émission à ceux qui la connaissent pas, c'est une émission donc où je mêle. Alors aujourd'hui, elle est 100% audio. Je vais plutôt présenter le format actuel parce que le format passé, bah, voilà. Je pense que Donny mettra les liens vers la chaîne YouTube et vous pourrez découvrir on va dire, la première version d'Amour et d'Histoire. Qui à l'époque était plus, je m'amusais plus en fait du montage vidéo à prendre. Il n'y avait pas un gros travail comme le fait Merwan à couper des séquences et à refaire presque ses propres trailers, ce qui est, je trouve, admirable parce qu'il le fait très très bien. Moi, j'avais plus tendance à prendre des trailers et je m'amusais plus à soigner les transitions en fait, on va dire, d'un univers à un autre, d'une œuvre, par exemple, d'un bouquin. D'un bouquin de je sais pas, j'avais parlé d'un recueil de nouvelles un peu fantasy, enfin voilà, et j'avais basculé derrière, je me rappelle plus, sur une série, par exemple une série anglaise policière. Enfin, j'aimais bien en fait ce côté, ces paradoxes, un peu passer d'un truc à l'autre comme ça, parce que j'aime beaucoup les paradoxes aussi. C'est quelque chose que j'aime beaucoup dans la vie, et j'aime bien justement essayer de faire l'impossible, quoi. De passer d'un univers, par exemple, de Super Mario Odyssey à Fearless, qui était une série anglaise super dark. Enfin, je sais pas, le truc qui a rien à voir, quoi. J'aimais beaucoup étudier un peu cette science-là de comment passer de l'un à l'autre et voir si ça pouvait passer, parce que parfois ça peut pas passer. Et il y avait forcément un travail au niveau du choix des musiques, etc., et même du côté visuel, quoi. Et après, j'ai basculé sur la version actuelle d'Amour et d'Histoire, la version 2.0, pourrait-on dire. Et là, donc, je suis sur du 100% audio. Et j'adore ça, finalement, parce que déjà, j'aime bien faire attention à ma voix, essayer de mettre le ton adéquat en fonction du jeu dont je vais parler, en fonction de la situation même de jeu, parce que je parle de plusieurs moments de jeu, on va dire. Je peux parler d'un moment de solitude derrière la manette, comme par exemple dans le podcast de Spider-Man, ça me revient. Où je dormais pas une nuit, puis je me suis réveillé à 5 h du matin, j'ai pris la manette, et après je raconte ça aux gens à travers le podcast. Donc on est vraiment, encore une fois, dans du small talk. Enfin, c'est pas, quelque part, ce que je raconte, c'est pas important, quoi. Et ceux qui l'écoutent, ça me fait d'autant plus plaisir qu'ils l'écoutent, parce qu'il y a pas grand intérêt à l'écouter. Si c'est juste que j'ai envie de raconter, voilà, ma journée, mon heure passée sur le jeu, mon émotion, l'émotion vécue à tel moment, etc. Là, je suis en train d'écrire, je suis sur Red Dead Redemption, et c'est ça dont je parle, quoi. Je parle forcément des sujets dont parle le jeu, mais je parle aussi du moment que je vis surtout, que le jeu va m'offrir et de ma perception du moment. Mais en fait, tu sais, quand tu te le parles comme ça, il y a un côté un peu, c'est ce côté un peu Beat Generation, mais tu sais, le côté où même c'est ces côtés, tu sais, très piano bar, où le mec, il va faire quelques notes de piano, et puis il va chanter, mais il va raconter sa vie, en fait, il va raconter ce qu'il voit, ce qui lui passe par la tête, c'est ce côté-là. Mais en fait, justement, le fait de partir de... Alors après, ça, c'est moi qui je le pense. Je dis pas que c'est Oui. vrai, hein. Mais je pense que plus tu pars de l'intime et du personnel, plus tu peux toucher à l'universalité, plutôt que l'inverse, tu vois. Et je pense que c'est ça qu'il y a, c'est que dans ton format, alors je sais pas si c'est un truc qui est volontaire ou pas, mais c'est que justement quand tu parles d'un jeu, et moi c'est la plupart des jeux, c'est une blague qu'on fait souvent en off, c'est la Oui. plupart des jeux dont tu parles, c'est des jeux en fait que j'ai pas joué, qui m'intéressent pas forcément. Mais en fait j'aime beaucoup ton émission parce que justement s'il y a le fait de partager, de te raconter toi, c'est à la fois une manière de raconter et en fait d'inviter au voyage. Et ça invite des fois à découvrir soit le jeu. Dans ce cas-là, tu vois, tu fais de la très bonne com, tu pourras être un bon VRP. Mais c'est ça, en fait, tu Ouais. vois, c'est ce côté de laisser le flux, le flow. Alors que c'est quelque chose, tu vois, comme tu dis, qui est quand même vachement écrit et que tu interprètes parce que tu l'as peut-être pas trop dit encore, mais moi, je le dis pour ceux qui nous écoutent. Et donc, allez écouter, je mettrai en lien, effectivement. C'est que c'est vraiment interpréter le texte. Je veux dire, tu le dis pas d'une voix morne et plate. Et comme tu le dis, sur chaque jeu différent et suivant l'expérience différente, t'auras pas les mêmes intonations, donc c'est super intéressant aussi. Et justement, quand tu les jeux, tu les prépares à l'avance, ou c'est vraiment comment ils t'impactent que tu te dis, ben là, je vais en faire un sur lui. Et là, tu commences à prendre des notes, ou comment ça se passe au niveau déjà de l'écriture, avant l'habillage, en fait, l'écriture. Alors là, c'est sympa parce qu'on est obligé de passer par là. Du moins avec moi, tu es obligé de passer par là. Et on en parle souvent, mais on en a déjà parlé. Tu sais, le fait que les journées ne durent que 24 heures et les mois que 30 jours. Et je me suis fixé cette contrainte de faire une émission par mois, enfin un épisode par mois. Effectivement, au début, je choisissais, je me disais, je vais parler d'un jeu, par exemple, comme Jack and Dexter, comme j'en ai parlé, parce que je me suis dit, c'est pas un jeu actuel. Puis après, j'aimerais bien parler, par exemple, de quelque chose de plus indé, etc. J'aime bien ce côté, hein, essayer de ratisser un peu large, quoi, quelque part, de pouvoir parler de plein de genres différents, de plein de typologies de jeux différentes, etc. Pas le même plaisir, pas, où on recherche pas la même chose, parce que c'est des jeux foncièrement différents, quoi. Par exemple, un Super Mario Odyssey, on va pas y jouer pour la même chose que quand on va jouer après, quoi. Que j'ai testé, que j'ai fait en audio d'ailleurs près. Donc effectivement, j'ai toujours aimé ce côté-là au niveau de la sélection. Maintenant, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, en fait, j'essaie de bien choisir mes jeux parce que j'ai du mal à en faire plus d'un par mois. Et parfois, il y a même des mois où j'arrive pas à en faire un, quoi. Parce que je me prends dans d'autres choses. Parce qu'à côté de ça, forcément, je regarde des séries, il y a la vie quotidienne qui prend beaucoup de temps, l'école, etc. Le cinéma, parce que je vais énormément au cinéma, donc j'ai du mal à focus mon attention sur le jeu vidéo, et c'est vrai qu'il faut voir, c'est quelque chose qu'on rappelle pas souvent, mais tout créateur, toi, moi, Merwan, et d'autres, il y a quand même un temps, les gens se rendent pas compte qu'il faut beaucoup de temps pour créer, mais il faut aussi beaucoup de temps pour s'imprégner d'une œuvre, en fait, et pour même espacer le temps entre, par exemple, jouer à un jeu. Il faut laisser du temps. On ne peut pas jouer à un jeu et 1 heure après passer sur un autre jeu, quoi. Il faut digérer. Ça, c'est quelque chose de très, très important. Tout prend du temps. Donc, le choix des jeux, je dirais que voilà. Je vais plus choisir les jeux avant d'y jouer en me disant celui-ci, il va être cool. J'aurai quelque chose à raconter dessus, quoi. Et puis, vu que j'ai toujours envie de communiquer et de véhiculer ma passion, c'est pas le souci derrière, quoi. À aucun moment, il faut que je me force, quoi. Là, par exemple. Bah, j'ai retardé l'arrivée de l'épisode de Red Dead et je crois maintenant que je vais même faire sauter les deadlines parce que justement, on y revient, mais le côté se fixer des contraintes, c'est difficile à gérer les contraintes et parfois ça peut créer de la frustration, même sur le plan perso, chez moi, enfin intimement, quoi, je veux dire, parfois quand j'arrive pas à être à temps, je me dis merde, ça fait chier parce qu'il y a tel facteur dans ma vie qui fait que j'ai pas pu jouer, etc., parce que je me suis mal organisé, parce que j'ai trop procrastiné. Et il faut pas tomber en tant que créateur dans cette frustration, quoi. Et c'est quelque chose dont on parle pas tout le temps, mais qui est aussi très difficile quand on crée. Et encore, on parle de créateurs, là, par exemple, nous trois, si je reprends l'exemple, ou même les copains de Fini de jouer ou d'autres, je parle de ceux qui me viennent à l'esprit, hein, mais il y en a tant d'autres. On crée en plus sans avoir une dépendance financière derrière. Et déjà, Rien que dans la création pure, sans avoir ces questions financières en tête, il est déjà compliqué en fait de pas se forcer à un moment donné, parce que si on se force, bah c'est plus bon quoi quelque part. Donc il faut laisser le temps au temps, et c'est là où les contraintes, je trouve le côté négatif de fixer des deadlines quand on est sur quelque chose de créatif, c'est justement ça quoi, c'est de pas tomber dans le moment où on se force. Et justement, étant dans une école où il y a beaucoup d'intervenants qui travaillent dans le jeu vidéo aujourd'hui, qui viennent nous offrir des masterclass, etc., qui viennent discuter avec nous, c'est un sujet qui revient souvent sur la table finalement, parce que c'est voilà, c'est il y a des deadlines, il y a le côté financier, il faut vivre des jeux, et il y a des boîtes qui tournent avec des familles qui mettent du beurre dans les épinards quelque part, mais il y a aussi le côté que le créatif parfois il peut pas faire le dessin en 3 jours, il a besoin d'un mois quoi. Et moi c'est un peu pareil. Je peux pas jouer au jeu je peux pas rusher le jeu parce qu'il y a des jeux que j'ai pas envie de rusher. Si je les rush, ça va se ressentir dans l'écriture. Donc en termes d'écriture, il y a aussi ça quoi. Et avant même l'écriture, il y a tout le process en amont de l'écriture quelque part, de bien soigner l'avant écriture et d'écrire en fait quand j'en ai envie quelque part. Est-ce que tu fais comme moi ou est-ce que tu, par exemple, moi je sais que mes brouillons en fait ils sont pas écrits, ils sont dans ma tête. Est-ce que tu écris déjà en amont dans ta tête avant de passer à la phase de rédaction? Bah non, alors par exemple tout à l'heure j'ai écrit encore, je continue d'écrire le prochain podcast dédié à Red Dead là du coup, enfin la prochaine émission, et justement bah j'ai fini une scène dans le jeu, et ce qui se passe très souvent c'est que j'ai tendance à poser la manette et à mettre sur mon petit Evernote là sur l'iPad n'importe où, j'écris partout et mais toujours en numérique pour garder ma petite note, et voilà, donc je prends ce que j'ai sous la main et j'écris direct en fait, ou sinon je garde un élément en tête. Par exemple, tout à l'heure, c'était une phrase en fait qu'un personnage a prononcée. J'ai gardé cette phrase en tête et une heure plus tard, en fait, parce que bon, j'ai une mémoire qui est très très court terme, donc faut pas écrire 4 jours après quoi. Sauf si vraiment ça m'a impacté émotionnellement de manière extrêmement forte. Mais là, tout à l'heure, il y avait une phrase donc qui m'a quand même percuté. Je me suis dit cette phrase, je la garde en tête. Et donc, j'arrêtais pas de me la rabâcher quand je jouais. Je continuais à jouer, à finir ma mission. Et une fois que voilà que j'ai éteint la console, je me suis mis derrière mon clavier et je suis parti de cette phrase et de là a découlé d'autres phrases forcément qui voilà. J'ai tendance à faire ça finalement, c'est plus une scène, un moment, une mécanique de gameplay, une ambiance, un détail souvent. J'adore, j'en parlais dans le podcast de Tomb Raider. J'adore aussi quelque chose dans la vie que j'adore mais au quotidien, c'est les détails en fait. J'aime bien les petits points. C'est pour ça que je suis quelqu'un de très observateur. Par exemple, dans les transports en commun, j'adore observer les gens et essayer de comprendre un peu ce qui se passe dans leur tête et de remarquer parfois le petit détail, quoi, le petit regard, le mouvement au niveau de la main qui exprime par exemple la lassitude de la personne, etc. C'est quelque chose. Si un jour je suis amené à écrire un livre ou même écrire sur d'autres projets, mais qui sont autres que ce que je fais actuellement, j'aimerais beaucoup en fait partir des détails pour écrire. En fait, je trouve on en parlait encore tout à l'heure. Non, mais je te comprends. Et c'est, tu vois, on rigolait tout à l'heure quand tu parlais de la fac. Moi, mon cursus en fac, j'étais en fac d'histoire, a été plutôt chaotique. Mais tu vois, un truc que j'avais retenu, alors c'était sur la période historique. Donc c'était sur l'histoire justement. Et le prof, c'était une histoire antique, ne parlait pas justement des grandes dates. Et elle avait dit une phrase que je vais pas garder pour l'histoire, mais que j'ai gardé pour le reste. Elle avait dit l'essentiel est dans les détails. Et en fait, c'est ça. Et c'est exactement ce que tu dis, ce qui nous différencie vraiment, c'est les détails. Et c'est pour ça que j'aime aussi pas les gros défauts, hein, mais tu vois, les petits défauts, les petites imperfections, ce qu'on juge imperfections chez les gens, tu vois, un nez qui déconne un peu sur le visage. C'est ça qui fait le charme, qui fait la différence des choses, en fait. Et ces petits détails, ces micro choses, c'est effectivement quand tu les regardes, en fait, c'est ce qu'il y a de plus beau quelque part. Parce que c'est pas ce qui t'explose à la tronche. C'est ce qui, en fait, tu vas trouver au détour d'une œuvre, c'est souvent le cas, en fait. C'est, tu vois, ce qui t'impacte, mais en fait des fois ça va être un petit truc qui va t'apparaître, une petite scénette, une petite phrase, quelque chose qui personnellement va te toucher. Et donc comme tu dis, effectivement le détail, et moi c'était pareil quand je prenais le transport en commun, j'avais tendance, alors c'était pas tout le côté stalker hein, mais tendance à regarder les gens et tu te dis mais peut-être que là s'il fait la tête c'est pas, et tu inventes des choses aux gens, c'est pas du tout la réalité, le but c'est pas ça, c'est juste que tu vois ça génère de la créativité en fait, parce que t'es toujours en train de... En fait, écrire, c'est d'abord regarder le monde, en fait. Et c'est ça qui intéresse, c'est ça qui est intéressant. Donc, je te rejoins tellement sur cette histoire de détails. Et je me suis tiré la couverture à moi, donc je vais te la rendre quand même. Non, mais tu nous as lâché sur une belle phrase de fin. Et j'en ajouterai une autre qui me permet de parler rapidement d'un film, en fait, qui est mon film de chevet, finalement. C'est Stuck in Love. Bah, c'est un film qui a été enlevé de Netflix. Et ça rejoint un peu la phrase que tu disais tout à l'heure, où il fallait écrire, c'est avant tout observer le monde. Bah, il y a une phrase justement de Greg Kinnear, c'est ça? J'espère que je prononce Ouais, qui bien. fait le père dans le film, ouais, c'est ça, c'est Voilà, Greg Kinnear. qui est aussi le papa dans Little Miss Sunshine, qui dit en fait à son fils, donc qui est écrivain et qui a un fils et une fille qui écrivent aussi. Et à un moment, il dit à son fils, à un moment du film, il lui dit. Pour que tu réussisses, pour que t'aies quelque chose à dire finalement, bah, il faut que tu, il faut, il, la première chose à faire, c'est qu'il faut que tu vives en fait, il faut que tu sortes, sors, fais comme ta sœur, même si ta sœur, parce que sa sœur en fait, on est un peu dans l'idée que il y a le fils qui est un peu plus introverti, la sœur qui est un peu plus, voilà, un peu plus open sur tous les plans, on va dire. Enfin, faussement extraverti en fait, ils ont deux manières différentes d'assumer, parce que le père en fait est lui aussi auteur, et ils ont deux manières différentes d'essayer d'assumer le poids et l'ombre du père qui a été un auteur très connu en fait. Exactement, voilà. Le fils est donc différent forcément de sa sœur, et c'est très bien parce qu'ils ont des tempéraments différents, des personnalités différentes. Et justement, le père dit, prends exemple un peu sur ta sœur, sors, va justement découvrir, va découvrir, va explorer le monde. Et justement, quand tu rentreras, tu auras des choses à écrire, à dire. Et voilà, c'est une phrase en fait qui m'a vachement percuté parce que quelque part, je me retrouvais aussi pas mal dans le fils, aussi dans la sœur. Et c'est un film, c'est mon film de chevet parce que justement, je me retrouve un peu dans chacun des personnages. Et j'avais cette part de, on va dire, j'avais une part de moi qui était similaire à la personnalité un peu introvertie du fils. Même si je peux être extraverti, j'ai aussi ce côté introverti où j'ai tendance à me replier. Après, j'ai du mal à sortir de mon cocon. Et c'est important finalement, comme tu as dit, d'observer le monde. De sortir, de parler avec les gens, de faire du small talk justement, et qui débouche parfois sur de nouvelles relations avec de nouvelles personnes. C'est important de prendre le pouls un peu du monde qui nous entoure, de l'environnement. Et aussi finalement, seul dans sa bulle, quelque part, dans le bus, en train de regarder les gens du bus, parce que c'est aussi ça, vivre quelque chose. C'est pas forcément vivre quelque chose dans le sens parler avec quelqu'un, faire des rencontres, avoir une relation qui dure 2 ans, etc. On n'est pas forcément là-dedans. On est aussi dans le côté plus implicite, plus personnel, plus, je dirais, voilà, le côté intérieur qui est aussi important. Mais en tout cas, je pense qu'il est important pour tout créateur, et c'est un conseil que je donnerais à quelqu'un s'il me demande, mais comment on fait pour créer? Je sens que j'ai quelque chose, mais j'arrive pas on va dire, à déclencher l'étincelle. Bah, je dirais, sors, et peut-être que l'étincelle va venir quelque part. Ouais, voilà. Et puis il faut pas avoir peur de se lancer, il faut pas avoir peur du vide et le fait après d'être jugé, parce que quand tu crées des choses, forcément, déjà ta création t'échappera à partir du moment où elle est regardée par quelqu'un d'autre et tu seras jugé dans tous les cas. Et après il faut accepter aussi la critique quand elle est construite, il faut savoir se remettre en question, mais sans, comme tu disais, trop se mettre de contraintes pour se couper. En fait, il faut arriver à se contraindre, mais tout en étant flexible. Ça paraît être justement paradoxal, mais c'est un peu le cas. Et donc justement, quand t'as fait ce côté, on va dire, bon, que t'as commencé à sortir, que tu t'es lancé, que tu as fait donc le texte, j'aimerais bien qu'on parle aussi sur tout le côté travail sur la matière sonore, parce que c'est quelque chose qui est très prégnant en fait. Bah forcément, hein, sur SoundCloud, bah, c'est du son. Et donc t'as vraiment, comment tu utilises en fait, t'as des bruitages, des musiques. Que tu qui te c'est le jeu, le sujet qui te le génère, ou des fois tu as même des choses que tu as envie d'intégrer. Comment se passe un peu l'habillage sonore qui a une importance quasiment à 50-50, on va dire, quasiment à 50-50, on va dire, avec le texte, ça participe vraiment au partage et à ce que tu fais sur ces Bah alors, pour expliquer ça, disons que pour faire simple, j'ai un sampler en gros sur mon ordi, donc un sampler virtuel. Je mets des samples. Par exemple, sur la touche A, je vais affecter un son ou une musique, un bruitage. Sur la touche B, un autre, etc. Et vraiment, j'enregistre en définitive. Comme tu l'as dit, je pense que le mot est juste, j'interprète mon texte. Du moins, j'essaie de le faire le mieux possible. Et je sais que il y a vraiment un seuil d'amélioration qui est immense, quoi. Quelque part, j'ai l'impression que je suis à 2 sur 100, quoi. En termes même si j'aime pas trop le mot dans le contexte, mais en termes d'acting, etc., c'est toujours difficile de trouver la juste voix. Donc déjà, au niveau vocal, il y a un vrai travail, et j'essaie de m'améliorer d'épisode en épisode. D'ailleurs, tu fais beaucoup d'enregistrements, ça t'arrive régulièrement de réenregistrer ta voix. Combien de temps ça dure justement l'enregistrement, on va dire le voice acting, ouais, justement? Alors parfois, c'est ça, c'est très curieux, hein, parce que parfois je prépare tout, donc je prépare mon sampler, etc. Parce qu'en amont, c'est probablement encore plus long que la partie écriture, c'est pour dire à quel point c'est long. Ben, je suis obligé de sampler et de cutter des sons vraiment à la seconde près, au millième de seconde près parfois pour essayer de rendre ça le plus smooth possible, quoi. Et donc il y a un vrai travail de préparation sur le sampler, et une fois qu'il est prêt, ben, je me dis, allez, je chauffe la voix, je fais les petits oh, machin, des trucs comme ça, et j'en fais vraiment, hein, c'est pas de blague quand je dis ça. J'essaie de préparer la voix en fait autant pour anticiper les aigus que les graves, etc. Même si je fais un exercice à la con, et je pense que s'il y avait quelqu'un on va avoir des cours de théâtre, par exemple, dans l'école, je pense que si j'ai l'occasion de parler avec la personne qui va nous donner les cours, si, de lui expliquer mon process, elle va me dire, bon, c'est bien ce que tu fais, l'intention est là, mais il faudrait plus faire comme ça, comme ça. Je pense que je le fais au feeling, disons, mais j'aime bien aussi ce côté feeling dans la vie, c'est quelque chose que j'utilise quotidiennement. Donc je me chauffe la voix, etc., je me prépare, une fois que le sampler est prêt, je balance. Et alors parfois, ça va s'enregistrer du premier coup. Et j'ai aussi un espèce de fétichisme avec ça. C'est-à-dire que j'aime beaucoup en fait quand du premier coup j'y arrive, qu'il n'y a pas de réenregistrement. Ça, c'est fabuleux quand il se passe ça en fait. Il y a une espèce d'osmose quelque part. Enfin, faut se rendre compte que c'est quand même super chaud parce que je suis en live, j'interprète, donc il faut que j'ai l'interprétation juste. Il faut pas qu'à un moment je fourche ma langue et que je me trompe, et ça arrive malheureusement. Et quand ça arrive justement que je fourche ma langue, par exemple, que tac, il y a un mot ou un moment, j'ai un petit bug vocal ou autre, ou par exemple, j'appuie sur le sampler, mais merde, le son il est pas réglé comme il faut, j'ai oublié de penser à ça, etc. Bah dans ce cas-là, en fait, j'ai un principe simple, c'est-à-dire que je réenregistre tout. Je suis pas du genre à Oui, en fait, ce que tu expliques et ce que je savais pas, donc tu vois, je l'apprends, c'est que donc tu fais pas du tout de montage sonore après coup, c'est tu fais une performance en fait live. Ouais, exactement, ouais. Y a aucun montage. Et c'est intéressant parce que ça rejoint ce que tu parlais au tout début quand tu parlais que tu adorais les concerts live. Et effectivement, c'est ce qui donne en fait, comme tu dis, une énergie. Et surtout, c'est ce truc, c'est que le live, c'est comme les pièces de théâtre, c'est à la différence du cinéma. C'est qu'en fait, tu as beau faire le même texte, la même musique, ça sera toujours différent. Il y aura toujours ce petit truc et tout ça. Et donc, et ça m'étonne pas maintenant que tu le dises, en fait. Moi, j'étais persuadé que tu faisais du montage sonore après coup. Mais ce côté sampling m'étonne pas parce que c'est ce qui fait effectivement que ça donne, une consistance, une texture différente, en fait, à chaque audio. Et ça fait moins, on va dire, informatisé. Donc, tu fais vraiment une performance live, en fait. Ouais, si. Non, mais si on peut dire ça, ça me paraît gros comme terme, mais quelque part, techniquement, c'est un peu une performance live. Et justement, pour rejoindre ce côté live, justement pour le mettre en avant, quand j'ai enregistré un des derniers podcasts sur Sea of Thieves que tu as dû écouter, à un moment, il y a comme des bruits, comme j'ai essayé de reconstituer une bataille, c'est-à-dire que j'ai été chercher des bibliothèques de samples qui utilisent justement les créateurs de jeux vidéo. On arrive à trouver des bibliothèques de samples, en fait, où il y a, par exemple, va y avoir des bruits de canon, des bruits de chasse d'eau qui se tirent, des choses comme ça. C'est des choses qu'on peut trouver, finalement, gratuitement, hein. Enfin, moi, je l'avais trouvé gratuitement une certaine période de l'année. Parfois, c'est payant, etc. Faut fleurer les bons moments, quoi. Mais j'avais téléchargé ça légalement et tout, et je suis libre d'utiliser ça sans enfreindre aucune loi européenne ou je ne sais quoi, ni article 13, 12 ou 15. Mais T'es couvert de ce donc, côté-là, c'est bien. Tu as bien raison. C'est une bonne chose. faut essayer. Mais pour autant, après, je me gêne pas pour de la musique grassement, parfois 2 minutes, et je viole tous les droits possibles derrière. Mais bon, c'est un autre sujet. C'est très compliqué. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup posé problème dans la création sur Internet. C'est très compliqué, sans violer aucun droit d'auteur, en fait, de faire ce qu'on a envie de faire. Du moins, de faire ce que moi, j'ai envie de faire. Et ça, mais bon, ça, c'est encore un autre problème. Mais bon, peu importe. En tout cas, c'était pas le sujet. Mais je chope ces samples. Et justement, dans l'épisode de Sea of Thieves, pour revenir à ce que je disais il y a 1 minute, ce que j'ai aimé, c'est ça, c'est quand j'ai essayé de reconstituer, je crois que c'est un point d'orgue en fait de tous les épisodes que j'ai fait. J'ai vécu ça, ce côté live, d'envoyer un boulet de canon par exemple, mais un boulet de canon avec un son qui a une certaine profondeur par exemple. On sent que le boulet va aller s'écraser dans l'eau par exemple, va frapper l'eau et on entend ça. Et après, j'ai essayé de mettre un bruit plus terre à terre où c'est par exemple un canon qui va frapper la coque du bateau, etc. C'est-à-dire que j'aime bien mêler les sons. Et justement, avec mon sampler, je me sentais un peu comme un Madéon du podcast, si je peux dire. En tout cas, j'ai toujours aimé le côté DJ aussi, hein. J'ai déjà mixé en soirée avec des potes, etc. C'est quelque chose que j'aime bien, au risque de paraître un peu kitsch ou je ne sais quoi. Parce que c'est vrai que dès qu'on dit DJ, t'as l'impression que c'est le gros blaireau, quoi. Oui, mais bon, après ça, c'est les jugements des gens, tu sais, à la limite, il faut pas trop Ouais. s'en accommoder, mais C'est un terme que je prends avec 2000 pincettes, parce que maintenant, quand je dis ça, on me prend pour un gros blaireau. Mais en fait, Mais quelque part, faut pas. L'électro, c'est une musique que j'aime beaucoup parmi d'autres genres. Et justement, ce côté live, ce côté. C'est un truc. Si un jour je pouvais faire D'amour et d'histoire en live, mais ça serait fantastique. Parce que la dernière fois, justement, quand j'enregistrais, donc que j'essayais de recréer avec différents samples sur ma platine en live, hein, donc je précise pendant l'enregistrement en live, j'envoyais un son, etc. J'ai réfléchi en amont déjà à l'ordre des sons. À quel moment, par exemple, quand le boulet a touché l'eau, il fallait que j'envoie l'autre son qui va plus être un tir de par exemple, de. De mousquet. Voilà, un tir de mousquet, etc. J'ai essayé de me mettre dans le thème piraterie, mais bon, tant bien que mal. Mais voilà, j'aime bien ce côté mélange des sons, cette finesse un peu dans l'enchaînement. Mais c'est un peu un côté qu'on retrouve finalement dans le montage vidéo. Je t'ai parlé tout à l'heure aussi de soigner les enchaînements, de soigner les transitions, de faire attention. Autant finalement au fond qu'à la forme. Et pour moi, c'est même, faut pas distinguer les deux en fait. Les deux font corps dans ce que j'essaie de créer, quoi. Oui, en fait, c'est ça, c'est plus tu rends les frontières poreuses, plus tout se marie, que forcément le résultat en est d'autant plus grand. Parce que finalement, c'est ça qu'une œuvre, on aime une œuvre, en fait, c'est parce qu'on l'aime tant quand on aime vraiment quelque chose, c'est qu'on peut plus dissocier le fond de la forme, c'est qu'ils se sont mariés ensemble. Ça fait une sorte de structure, pour le coup, qui est très fluide et qui coule de source, comme tu dis. Et d'ailleurs, tu parlais justement de Sea of Seas et donc de ce côté un peu live. Dans les podcasts Fini de jouer, donc un podcast dont on a parlé déjà récemment avec Merwan dans la présente émission, puisqu'il y a participé et toi aussi, à la fin du podcast, c'est ce que tu fais. D'ailleurs, tu fais une sorte de petit live, on va dire, et c'est une sorte d'amour et d'histoire aussi, en fait. Oui, clairement, tu peux le dire sans crainte. Ouais, effectivement, c'est une sorte d'amour et d'histoire, mais j'essaie encore plus d'aller vers le côté humour parce que c'est aussi un des trucs que je préfère, l'humour. J'en ai pas encore parlé, mais pour le citer deux trois noms parce que j'ai envie que voilà que les gens les écoutent. Faut écouter un gars qui s'appelle Roman Frayssinet, qui est sur Canal dans l'émission de Mouloud Achour le dimanche. Donc ça doit être Clic Dimanche. Mouloud Achour qui fait des interviews quand même intéressantes, des émissions intéressantes. Il est critiquable sur certains points et tout, mais c'est quand même un gars intéressant. Et il a mis en avant un gars qui s'appelle Roman Frayssinet, qui est un humoriste en devenir, je dirais, même si il commence à remplir toutes les salles. Il joue au Petit Casino à Paris ou je sais plus exactement quelle salle. Tout est full. Il n'y a plus aucun moyen de le voir. Et c'est un gars qui est génial aussi dans l'humour. J'aime ce côté aussi one man show. On en parlait tout à l'heure, le côté live. Et je te disais, faire un d'amour et d'histoire en live, ça serait fou. Mais d'à côté, en même temps, qui serait là pour m'écouter, quoi? S'il y avait 10 personnes, ça serait bien. Mais bon, je dis ça d'un côté. Ben après, tu sais, tu viens avec ton truc, tu vois, à l'école où tu es, tu fais un happening. Moi, je sais que quand on a enregistré, là, je parle d'un truc personnel, mais vous pouvez écouter l'émission, donc c'est sur, donc on a dit que ça s'appelle le podcast Fini de jouer, c'est un podcast jeux vidéo, mais aussi pop culture. Donc on passe un bonjour à Florian et c'est Steph qui s'occupe de ça. Et en fait, à la fin de celui qu'on a fait ensemble, donc c'était sur Telltale, à toute fin, t'en as fait un justement sur les FIFA, sur FIFA Ultimate Team, et franchement, c'était vraiment drôle, et nous, on rigolait. Et franchement, je suis sûr que ça, après, est-ce qu'il y aurait beaucoup de monde ou pas beaucoup de monde? Est-ce que c'est en fait un marqueur de qualité, ça déjà, le nombre de personnes? Je sais pas, parce qu'après, il y a des trucs qui sont tout simplement confidentiels, donc les gens savent pas, donc ben, quand ils savent pas, tu peux pas savoir si c'est bon ou pas, mais bon, est-ce que quelqu'un qui, par exemple, a plus de 200 000 abonnés sur une chaîne, 150 millions de vues, ce que tu veux, est-ce que ça veut dire qu'il fait de la qualité ou pas? Peut-être que oui, peut-être que non, goût, sensibilité, ça, en fait, moi, j'ai pas à juger, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Mais en tout cas, effectivement, comme tu dis, ce que tu fais déjà là, au niveau des enregistrements, c'est une sorte de live, donc je vois pas pourquoi, d'un point de vue technique, ça fonctionnerait, en fait, de toute manière. Après, est-ce qu'il y aurait du monde ou pas? Ben, pourquoi, lance-toi, fais des happenings, et ça pourrait être sympa. Enfin, je veux pas t'y pousser, hein. Si t'as besoin d'impresario, je viendrai. Mais sinon, non, mais voilà, tu vois, c'est un truc qui est intéressant. En tout cas, ce que t'as développé s'y prête. Ah oui, totalement. Ouais. Bah, le fait d'apprendre à le faire en live dès le début, effectivement, c'est une difficulté. Mais finalement, c'est en affrontant les difficultés qu'on arrive à faire de plus grandes choses et que justement, on peut aller plus loin dans le délire, quelque part. Ça peut sembler un peu bateau dit comme ça, mais les difficultés, c'est quelque chose aussi auquel j'attache beaucoup d'importance. Des fois, il faut aller vers l'impossible et se dire que de toute façon, c'est possible. Et en vérité, c'est toujours possible. Mais faut pas avoir peur, quoi. J'ai bravé cette difficulté-là du live parce que c'était vraiment pas facile au début. Et j'avais ce côté. En plus, ça, C'est bien parce que c'est paradoxal par rapport à mon côté préparation, toujours très stressé, parce que je suis quelqu'un de stressé, forcément. En même temps, bon, j'ai eu des problèmes digestifs, j'en ai encore. Bon, voilà. Je ne veux pas faire de la psychologie de comptoir, mais les gens Ah, qui ont. mais c'est le second cerveau, hein. Et c'est lié à une partie de stress, puisqu'il y a tout ce qui est les glandes surrénales qui sont la glande du stress, en fait, qui est un truc chimique et physique qui impacte beaucoup sur le corps, hein. Mais on apprend tellement en faisant ça, et j'ai tellement appris grâce à la création, justement, grâce au partage culturel que j'essaie d'opérer avec D'Amour et d'Histoire. Et si un jour ça pouvait se faire en live, et je pense qu'un jour ça se fera en live, et peut-être même que le côté humour, j'ai cité Roman Frayssinet, mais j'aime bien après des mecs plus connus comme Manu Payet, comme Le Caplain aussi, ou encore François Damiens, ce qui est pour moi un génie des génies. J'aime beaucoup ce côté-là. C'est parce qu'on touche en fait encore une fois un truc que j'adore et que je répète, mais le small talk, quoi. On est là-dedans, on est dans le small talk, on est dans la qualité du discours quelque part, de soigner et le côté. Et c'est vrai que déjà, sans avoir, en enregistrant en live, mais t'imagines bien qu'aujourd'hui, D'Amour et d'Histoire, j'enregistre en live, bon, sauf chez Fini de Jouer où je fais carrément, là, j'ai passé la frontière de l'enregistrement et je suis en live avec quelques personnes. Mais quand je fais mes D'Amour et d'Histoire, je peux quand même à un moment me dire, ah, ça me plaît pas, je cut et je réenregistre. J'aime pas faire ça. Mais pour être franc, ça m'est déjà arrivé, quoi. Il y a des épisodes où j'ai réenregistré 6 ou 7 fois avant d'avoir la version finale. Bah là, on perd quelque part les meilleurs épisodes, c'est ceux que j'ai réussi à faire en one shot, quoi. Et même moi, symboliquement, même s'ils sont moins bons, les épisodes, parfois, il m'est arrivé de refaire un enregistrement, mais de prendre le premier qui avait plus d'imperfections, parce que dans le premier, comme tu disais, il y avait un charme différent, tu vois. Il y avait un flow, le flow n'était pas le même, en fait. Quand tu l'écoutais, tu te disais, putain, le premier, il y avait cette passion, je sentais, en fait, à travers ma voix, à travers ma manière de dire les choses, et même l'enchaînement des samples, il y avait cette osmose. L'osmose était là, et. Mais malgré quelques imperfections, parfois une petite langue qui fourche, bah tant pis, je garde cette version-là, ou parfois mon père, je sais pas, qui va allumer la machine à laver, que ça va faire un boucan dingue. Il y a des petits bruits parasites que les gens n'entendent pas forcément, mais que moi, quand j'écoute attentivement, j'entends et je me dis, putain, merde, ça fait chier, parce que je suis quelqu'un aussi de perfectionniste, et j'aime pas, en fait. Une fois, il y avait un oiseau dehors, c'est des petites anecdotes, mais il y avait un oiseau qui a fait cuicui, quoi. Et on entend ça, en fait, dans le podcast à la fin. Et je me suis dit, merde, fais chier, il y a ce truc-là. Et après, j'ai réécouté, et c'est devenu, tu sais, ce genre d'élément, ce genre de détail, parce que justement, encore les détails, hein, mais on revient toujours sur la même chose, mais c'est les choses que j'apprécie, forcément, et que tu apprécies aussi, j'imagine, pour certaines, en tout cas. Encore, c'est ce détail, ce petit oiseau, je me suis dit, putain, il tombe à un moment. Quand on écoute les paroles, c'est presque, on dirait presque que c'était le destin, quoi. Et ce côté de. Oui, de timing. Voilà, le timing, c'est quelque chose que Mais j'adore, en en fait. fait, plus qu'un détail, c'est même. Alors, des fois, ça peut être vraiment dérangeant, mais c'est ce côté de l'imprévu et c'est ce qui donne justement. C'est ce qui rend les chances vivantes, en fait. C'est quand t'as ce petit truc qui arrive et que t'es plus sur les rails. Enfin, t'es sur des rails, mais t'as un aiguillage, en fait, qui se fait. Et c'est bien parce que quelque Ouais. part, un micro-changement fait que tu. Mais voilà, tu pars sur quelque chose d'autre et ça implique aussi une perte de contrôle parce que c'est vrai que quand on est dans la création, des fois, on veut forcément. Pas que dans la création d'ailleurs. Je pense qu'on est aussi même éduqué, peut-être, c'est un peu la société qui veut ça, être vachement dans le contrôle. Et justement, le fait de partager avec les autres, d'échanger, c'est aussi accepter cette perte de contrôle, le fait que ce qu'on crée ne nous appartienne plus. C'est une des premières choses à faire, et je pense que c'était peut-être pour toi aussi au début. C'est ce truc de le lancer et d'apprendre, en fait, à être jugé, mais surtout d'apprendre à ne plus contrôler ce que tu as fait, que ça t'échappe, et quelque part, c'est bien parce que du moins que ça t'échappe, c'est que ça vit chez les autres et ça vit par soi-même. Et comme tu dis, en fait, c'est le fait d'achever quelque chose, de pouvoir après passer à quelque chose d'autre. Tu dis, ben voilà, je l'ai fait, il ne m'appartient plus, et maintenant je peux créer quelque chose d'autre, en fait. Exactement. Et c'est là où on a cette sensation de plénitude, avant d'avoir à nouveau envie de recréer quelque chose d'autre et de repartir dans un process. Mais c'est super intéressant. Et c'est pour ça que, voilà, pour terminer, c'est la parenthèse, mais la connexion avec l'humour, je la vois immédiatement. Et pour moi, l'humour est un des arts les plus oufissimes en termes de. Quand on se met dans la peau du créateur, donc de l'humoriste, parce que c'est incroyable. Faut imaginer les moments de doute qu'il a, quoi, où le public ne réagit pas et tout. Et comment rebondir quand le public réagit pas? Et quand il réagit, par exemple, qu'on n'avait pas prévu, bah comment on fait pour enchaîner? Ce côté live, en fait, c'est un des trucs qui me fascine le plus. Et derrière, il y a tout le comportement humain, la psychologie humaine du public qu'il faut comprendre, tu vois. Et le fait de se retrouver, quand tu le fais en live, par exemple, si je fais le truc à la Paris Games Week, j'aurais pas les mêmes réactions dans mon école ou dans un petit salon, tu vois, à Laval ou je sais pas où, tu vois. Mais oui, parce que, comme on disait, ça dépend de l'énergie. Et c'est vrai que déjà, quand on fait, bon là, le fait que tu fasses sur SoundCloud, alors c'est dommage, SoundCloud, il y a moins de gens qui commentent que sur YouTube. Et encore sur YouTube, les gens mettent des likes, font des vues, mais c'est pas le plus intéressant. Comme on dit, le plus intéressant, c'est après pouvoir partager, échanger, ça crée quelque chose. Mais comme tu dis, le live, l'avantage, c'est que, effectivement, tu as une énergie. Et surtout, ce qu'il y a d'important quand tu parles, et c'est pour ça que c'est encore plus intéressant quand tu parles de vive voix, ben comme là on le fait encore, on n'est pas ensemble, tu vois. Moi, l'émission, j'aimerais encore plus la faire comme des podcasts dans la même pièce, parce que ce qui est intéressant, en fait, c'est il n'y a pas de vide entre les personnes, en fait. Il y a toujours quelque chose de chargé dans l'air et tout ça. Et finalement, ce qui se passe entre les personnes, c'est ce qui se passe techniquement entre les personnes, c'est-à-dire l'échange une personne à une autre, mais totalement entre. C'est-à-dire l'air qui se constitue de manière différente quand tu as deux personnes qui se font face à face, quand tu as un orchestre qui joue, que tu as une salle, il se charge quelque chose dans l'air qui est toujours différent à chaque chose. Et c'est ça qui est super important. Donc effectivement, je serais vraiment très curieux de pouvoir te voir évoluer en live. Donc peut-être que ça sera, tu vois, t'es parti de YouTube sur un certain format. Là, c'est SoundCloud. Peut-être que justement, la prochaine évolution, c'est comme les Pokémon, il y a trois évolutions, c'est ça? Peut-être que ta prochaine et ta troisième évolution, c'est la définitive, ça sera des versions live d'amour et d'histoire pour que on puisse comme ça être bercé dans une salle au son de tes samples et de ta voix. On va quitter d'amour et d'histoire parce qu'on a, je pense, assez parlé. Et pour conclure un peu rapidement cette conversation, on pourrait aller très loin. Hein. Toi, dans la digression comme moi, je pense qu'on pourrait faire une super un maxi format, mais c'est peut-être pas le but non plus. Juste, alors d'habitude on parle jeux vidéo dans l'émission. Comme là, on est en décembre, bon, on va faire très rapidement. Enfin, toi surtout, pas moi. Justement, ton bilan JV de jeux vidéo de l'année. Si t'as des jeux vidéo qui t'ont soit déçu, soit qui t'ont vraiment marqué, que t'as envie de parler très rapidement, très brièvement, ou si c'est pas du jeu vidéo, vu que c'est, je te dis, la fin de l'année, bah tu peux me citer aussi peut-être un film, une série, voilà, comme ça, on va finir un petit peu de ce côté un peu plus décontracté pour faire un petit bilan. Bah quand même, on va quand même parler jeux vidéo parce que Enter Player 2 avec mon accent incroyable. Bah gros coup de cœur sur Spider-Man hein, parce que c'est pour moi justement il regroupe énormément de choses intéressantes, c'est-à-dire qu'il a à la fois le côté pour catégoriser un peu pour donner ma vision du jeu vidéo en même temps, c'est peut-être le moment d'en parler un petit peu rapidement. Je dirais que je vois plusieurs catégories de jeux, grandes catégories, même si c'est très très réducteur de catégoriser, mais pour donner un peu, pour essayer de clarifier le truc, on va dire que je vois un peu les jeux à histoire, et avec les jeux à histoire, où je pourrais parler aussi de jeux à profondeur, c'est-à-dire les jeux qui peuvent être profonds à travers la narration, mais aussi parfois pas à travers la narration, plus à travers le gameplay, comme Prey, dont j'ai parlé dans D'amour et d'histoire, justement. Et ça, c'est des jeux forcément que c'est un peu les jeux qui m'intéressent quand même le plus, le cœur, quoi, on va dire. Et après, il y a les jeux forcément qui m'intéressent peut-être tout autant, finalement. Les jeux que je qualifierais de fun, c'est-à-dire ça va être toutes les productions du plombier moustachu que tu apprécies moins, je sais, en tout cas, Donnie, mais que c'est moins tes Bah, c'est pas univers. que j'apprécie moins, c'est que ça me parle plus, mais c'est, je pense que c'est parce que tu es peut-être quelqu'un aussi qui est plus curieux et ouvert sur ça, et c'est vrai que moi, effectivement, je me suis un peu plus rentré dans ce truc-là, mais c'est pour ça que j'ai plus cet esprit-là, mais je comprends tout à fait que ce côté fun soit, et c'est bien que ça existe, en fait, c'est ça qui est bien, c'est la diversité des choses, de toute manière. Oui, exactement, exactement. Ça peut pas, de toute façon, ça peut pas parler à tout le monde. Mais j'ai toujours un peu ce côté tout fou, tout curieux, à vouloir. Enfin, j'ai encore ce côté-là, quoi. Cette âme d'enfant, pourrait-on dire encore une fois. Mais donc effectivement, voilà, pour moi, les deux grosses catégories, ça va être ça, quoi. Finalement, ça va être les jeux qui, voilà. Et Spider-Man, pour revenir dessus, c'est un jeu qui justement conjugue les deux, quoi. C'est-à-dire que dès le début, il est fun. Et dans le podcast, j'en ai fait presque un même où j'arrête pas de tirer. Mais réellement, en fait, quand j'ai lancé le jeu, je crois que je commence le podcast comme ça, concernant Spider-Man. Quand j'ai lancé le jeu, j'ai tissé la première toile contre un bâtiment et voilà, j'ai survolé New York. Et je me suis dit, tout de suite, il y a le son qui est sorti de ma bouche, j'ai fait wouh! J'ai fait un truc comme ça parce que c'était génial, quoi. Enfin, faut se rendre compte que le jeu vidéo aujourd'hui, il a ce côté. Je trouve assez fantastique en fait de pouvoir proposer, de vraiment pouvoir satisfaire tout le monde et surtout de pouvoir en offrir le plus possible de différentes manières. Je vais m'expliquer grâce à l'évolution technique et aussi grâce aux esprits créatifs qui forcément travaillent dans le jeu vidéo et auxquels on rend hommage à travers ce podcast et à travers tout ce que je fais. et tout ce que toi tu fais aussi, je pense, on peut leur rendre hommage. Justement, Merwan en parlait, il faut parler des gens, il faut parler des équipes, au-delà de parler de Michel Ancel, de David Cage et tout, il y a quand même des équipes derrière de créateurs qui se cassent la tête et qui réfléchissent jour et nuit. Et je crois qu'on peut le dire vraiment souvent la nuit, parce qu'il passe, c'est un métier qui est plus qu'un métier finalement, c'est une vie qu'on dédie aux jeux vidéo en général, quand on est passionné et qu'on travaille dans le secteur. Et vraiment, cette conjugaison, cette offre en fait de ce jus de cerveau, même si c'est un peu, ça fait barbare de le dire comme ça, et justement l'évolution technologique nous permet d'avoir des jeux qui sont totalement incroyables. Et c'est ce que j'ai aimé avec Spider-Man. C'est-à-dire que quand j'y ai joué à l'époque sur GameCube, ça devait être les jeux, c'était en 2000-2004, dans ces eaux-là, quoi, peut-être 2002-2003, un truc comme ça, il me semble. 2004 peut-être, Spider-Man de la GameCube, peu importe. Ben, on était quand même une quinzaine d'années avant. Et j'avais pas justement ce youhou, il sortait pas parce que ce son sortait pas de ma bouche parce qu'il y avait pas encore assez d'immersion en fait pour y croire. Et le Spider-Man PS4, ben, il permet justement de, quand on est fan du tisseur, il permet de se mettre dans la peau du personnage et de vraiment y être, quoi. Et derrière, en plus, il y a une belle narration. Et encore derrière, il y a des super musiques. Et encore derrière, il y a une capture, enfin, je veux dire, une fidélité au niveau des visages et des expressions faciales qu'on a rarement vues, voire même que j'ai jamais vues avant, au niveau du regard, au niveau des postures, des animations, de plein de choses. Donc, j'aime bien me dire en fait que le jeu vidéo va dans le bon sens quelque part, sauf au niveau écologique, parce qu'il ne faut pas non plus omettre quelque chose dont je me permets de poser au passage. Il y a la vidéo de Game Spectrum que je conseille. Game Spectrum, c'est une super chaîne. Hein. C'est une excellente chaîne, Game Spectrum. Il a fait une vidéo qu'il a appelée « Les jeux vidéo vont-ils disparaître ?» où il traite un peu de l'écologie au sens sociétal, on va dire, et plus particulièrement dans le jeu vidéo. Et effectivement, cette course à la technique est superbe parce qu'elle nous permet de vivre des moments encore plus immersifs et quelque part c'est aussi ça qu'on cherche quand on joue, mais par contre faut pas quand même sortir du tableau toutes les problématiques écologiques et toutes les ressources au niveau serveur que ça consomme, le renouvellement constant des machines entre PS4 et PS4 Pro et je vais pas critiquer les gens qui font ça parce que je suis le premier à tomber dedans parce que je veux toujours la premium expérience en gros et effectivement la vidéo de Game Spectrum est touchante parce qu'on se dit on est les premiers finalement à être dans cette technologie. Enfin, en tout cas, je parle pour moi, je ne suis pas pour toi, Denis, mais on est acteurs en fait de cette dégradation écologique parce que plus on vend de machines, plus on utilise de composants comme le lithium, etc. Et plus ça participe à la destruction de l'environnement dans lequel on est de notre terre quand même, quoi. Donc il y a cette problématique là, c'est un peu ce qui me chiffonne. Dès que je parle haute technologie, je me dis, il y a mon cœur de technophile qui me dit putain, c'est fantastique, quoi. J'ai les yeux qui pètent d'étoiles. Mais de l'autre côté, je me dis putain, ça fait chier, quoi. Parce que accessoirement, on est en train de bousiller notre planète, quoi. Et même si la vidéo de Game Spectrum montre que de toute façon, les gens qui travaillent, qui sont dans le secteur et pas ceux qu'on voit à la télé sur France 2, quoi, ceux qui vont un peu plus loin que ça, qui font des super recherches, de toute façon, ils sont tous d'accord pour dire c'est mort, le mal est fait et même aujourd'hui, on peut pas rattraper. On est dans une course à la destruction, quoi, c'est déjà fini. Oui, le truc, c'est en fait, c'est d'atténuer et je te rejoins, mais tu vois, tu parlais au tout début de cette conversation. Justement que ce que t'aimais beaucoup c'était l'art de faire des compromis, ben c'est totalement ça, c'est d'arriver à être un fan, à être dedans, mais aussi d'avoir de faire des compromissions avec les autres, mais d'abord avec soi-même et de prendre du recul, tu vois. Et récemment il y a eu toutes les histoires de crunch et tout ça chez Rockstar par exemple, et il y a beaucoup de gens qui sont fans de Rockstar qui ont dit oui mais c'est pas que Rockstar tout ça, mais peu importe, même si c'est Naughty Dog, moi par exemple j'adore Naughty Dog, c'est avec eux aussi, c'est dire oui je suis fan de ça, mais avoir le recul suffisant pour avoir une plus grande vision des choses, se dire bon, voilà, il y a ça aussi qui est en place. Déjà, se rendre compte des choses et de le dire, de le verbaliser, c'est déjà le premier pas, en fait, vers le changement. Donc, tu vois, c'est comme quand on parle, par exemple, là, je parle d'un truc qui est totalement différent, mais par exemple, tu vois, quand tu parles, par exemple, de tout ce qui va le côté sexiste, ben, on fait tous, en tant que gars, on est quelque part paramétré au départ pour faire des réflexions sexistes. Et le fait de s'en rendre compte au bout d'un moment, c'est déjà un premier pas vers le changement. Et c'est pareil avec la technologie, c'est pareil avec pour tout en fait. Donc effectivement que moi aussi, je suis le premier. Bon, j'ai les finances qui me permettent pas forcément, mais oui, quand t'as une, j'aimerais avoir la super télé 4K pour pouvoir avoir me mettre un super jeu, refaire ce film en Blu-ray 4K, ceci, cela. Et après, c'est des questions de choix avec soi-même déjà, se faire un consensus avec sa propre moralité dans le genre éthique en fait. Et donc je te comprends tout à fait, et c'est vrai que la vidéo de Game Spectrum était super intéressante. Pour revenir sur côté JV, donc si je t'écoute bien quand même, pour cette année-là, Spider-Man, c'est ton GOTY alors. Ah, jusque-là, oui, mais j'ai pas encore entamé Red Dead 2. Ça ne saurait tarder là, dans les jours qui arrivent. Donc, pourquoi pas, mais je pense que je laisserai quand même Spidey en GOTY dans le sens où vraiment, c'est fort quand même d'arriver à proposer un jeu avec une histoire. Mais je veux dire, on est dans de l'histoire de jeux vidéo qu'on voit pas souvent quand même. C'est pas du film d'auteur, attention, loin de moi cette idée, hein. Mais on est sur quelque chose vers quoi le jeu vidéo devrait tendre, à mon avis. C'est-à-dire proposer du fun, proposer le côté annexe sans trop envahir avec du FedEx ou sans installer une lassitude chez le joueur, même s'il y a quand même quelques trucs à redire chez Spider-Man. Mais par exemple, on nous fait ramasser des items aux quatre coins de la ville, justement pour le côté collectionniste. Mais les items, c'est des items en fait, c'est des sacs à dos qu'a mis Peter Parker en fait. Il a fixé des sacs à dos avec ses toiles aux quatre coins de la ville. Donc parfois, ça va être accroché à un arbre, accroché à un toit, n'importe quoi, ou dans une poubelle, ou peu importe. Et quand on ramasse ces sacs à dos, en fait, ce qui est intéressant, c'est que déjà, il y a cette sensation, ce petit accomplissement de joueur de dire, ah, ça en fait un en plus, parce qu'on va pas se mentir, chez tous les joueurs, enfin chez beaucoup de joueurs, il y a quand même ça au final. On a tous un petit peu de ça. J'en parlais dans le podcast d'Amour et d'Histoire de ça, justement, de Spider-Man, et je disais que je suis pas le genre de gars à être complétionniste, en fait. C'est-à-dire à taper le 100% tout de suite, à vouloir à en faire une fin en soi. Mais par contre, je l'ai fait sur celui-ci parce que le 100% présente un sens, en fait. Parce qu'à chaque fois qu'on ramasse un sac à dos, on l'ouvre. Et par exemple, et ben boum, on tombe sur une lettre qu'on a écrite à Mary Jane il y a à peu près 5 ans de ça, où on va tomber sur, je sais pas moi, le premier lance-toile de Peter. Enfin. Oui, ça participe à la narration dans l'univers, mais ça, c'est comme ceux qui faisaient la narration comme ça, c'était justement dans les System Shock et après dans les BioShock, quand tu veux écouter tous les journaux audio parce que ça te Oui, raconte exact. l'histoire. Et après, ils l'ont mis même dans des. Par exemple, dans Uncharted 4, c'est ce qu'il y avait aussi. Tu avais l'histoire que tu as principale de Drake, mais après, tu as des histoires aussi d'autres personnes qui sont parties à la même recherche et tout. Et ça vient des RPG aussi. De toute façon, dans les RPG, tu as toujours ça, tu as ces codex et tout. Et c'est vrai que c'est passionnant parce que ça te raconte encore plus sur l'univers. Et c'est vrai que c'est ce bon côté, on va dire, à la complétion dans le genre où en fait ça te raconte, c'est pas juste un truc que tu vas collectionner qui te servira à rien, c'est que ça t'amène aussi, pour ceux qui aiment la narration, bah encore plus de corps en fait à l'histoire. Exactement, et ça t'attache encore plus au personnage. Et je sais, toi, tu aimes les personnages, comme moi d'ailleurs, j'adore les personnages, effectivement, c'est très important. Et justement, ça t'attache encore plus, parce que ça, mine de rien, c'est ces petits trucs qui créent des fragments d'empathie à chaque fois, quoi. Quand on ramasse la lettre qu'il a envoyée 4 ans avant, et qu'on voit ce qu'il a écrit, et bien sûr, il y a la voix off, quoi. Enfin, il raconte, il y a le personnage qui parle, quoi. Et il dit, ah putain, c'était la lettre que j'ai écrite à Mary Jane, et tout. Enfin, c'est ce côté, ce naturel finalement. C'est ça que j'aime encore une fois, c'est encore quelque part c'est paradoxal, mais c'est rendre naturel ce qui n'est pas naturel. Parce que dans le jeu vidéo, enfin je veux dire, c'est pas ce que je veux dire, dans la vraie vie, on va pas ramasser, à aucun moment de sa vie, on va se dire, ah putain, j'ai mis 50 sacs à dos à tel endroit, je vais les ramasser, ça c'est pas des situations de vie, c'est quand même une des spécificités justement du jeu vidéo de nous amener à faire des tâches répétitives parce que aussi, faut quelque part, un jeu vidéo, faut le remplir, faut donner du contenu, faut offrir du contenu. Et c'est intéressant de se dire aujourd'hui, il y a des gens. Alors moi, je serais plus de la team, si t'as pas envie de mettre de la collectionnite, mets-la pas dans ton jeu. Mais bon, Spider-Man, on est sur un gros blockbuster et ça doit vendre des copies et ça doit occuper des joueurs pendant un nombre d'heures défini quelque part. Donc il faut rajouter ce côté collectionnite et il faut plaire à tout le monde. Et même si je déteste dire ça, j'aime pas ce que je dis en ce moment et c'est pas le principe, mais. Oui, mais d'un point de vue marketing et d'un point de vue financier, les AAA maintenant, ils sont obligés de. T'as pas beaucoup d'originalité, alors enfin, dans ce sens-là, en fait, effectivement, de plus en plus, t'as un chemin qui est assez commun à tous, et après, ça va être justement sur la façon dont ils vont Voilà, l'exécuter, que ça sera voilà. bon ou pas, mais c'est vrai que oui. Et c'est là où c'est intéressant en fait. Il réussit à te rendre des trucs qui moi, au demeurant, peuvent me lasser habituellement. Bah, il les rend attractifs en fait. Et ce qui est fort, c'est qu'il m'a poussé en plus à la collectionnite dans le sens où il a un gameplay. Mais bon, le personnage veut ça aussi. Il a un gameplay d'une telle rapidité, d'une telle fluidité. C'est tellement agréable. On sent vraiment, on est dans la peau du personnage, quoi. Ça peut sembler bateau, mais c'est le cas. Quand on joue à Spider-Man, c'est cette sensation qu'on éprouve et une sensation qui est tellement agréable. Et justement. Ce plaisir qu'on prend à faire déplacer le personnage d'un point A à un point B, dans les airs, bien sûr, parce qu'il n'y a aucun intérêt avec Spider-Man à marcher comme un passant dans la rue, C'est un peu étrange, j'ai essayé de le faire à la fin du jeu. D'ailleurs, c'est super étrange quand on a passé tout le jeu. C'est quelque chose d'intéressant à faire, que je conseille aux gens qui l'ont pas fait, parce que c'est un truc, ça nous vient pas du tout à l'idée. Mais il y avait un succès, en fait, il me manquait un succès pour toucher le platine, que j'ai pas encore touché, mais c'était un succès à la con. Il fallait emprunter des bouches de métro, en fait. C'est le voyage rapide de ce jeu-là, en fait. On peut aller d'un point à un autre avec le métro. Et je l'avais jamais fait. Tant en fait, tant c'est plaisant de se balader d'un point à un autre de la carte, même si on met 10, 15 ou 20 minutes pour y aller, peu importe. Mais c'est là où on se rend compte, quand on arrive à conjuguer narration, qu'on arrive à conjuguer gameplay, mais en allant à ce point-là, quoi, en rendant le gameplay aussi fun que ça, quoi. Parce que moi, je l'ai trouvé vraiment fantastique, le gameplay. Et qu'on arrive aussi à ajouter des éléments de background pour même les lecteurs de comics, pour tous les gens qui sont passionnés du personnage et des super-héros. Bah, je trouve que c'est ça l'accomplissement ultime. Pour moi, c'est un jeu qui accomplit tellement de choses que il est proche de la perfection. Après, c'est très subjectif, mais dans mon cas, j'ai trouvé qu'il était proche de la perfection. Bon, on aura compris, donc si tu avais un jeu à conseiller, en tout cas, parmi tout cela, c'était le Spider-Man, donc PS4, d'Insomniac, si je me trompe pas. De toute manière, il y a donc un D'amour et d'histoire que vous pourrez écouter, et donc le lien sera en description de la vidéo sur Spider-Man. Bah, en tout cas, je te remercie vraiment d'avoir participé à cette Interplayer 2 3 pour le coup, c'était la troisième émission. On a vu à quel point bah, t'aimais le partage. J'espère que les gens ont compris et qu'ils se rueront en fait sur les podcasts, sur SoundCloud. Je mettrai les liens, je le répète encore, mais c'est vrai que c'est il y a un partage, il y a une manière de rendre compte d'une histoire, d'une expérience, de la façon dont on l'a vécu, qui est vraiment intéressant. Que ce soit, donc surtout au niveau audio, il y a vraiment un travail. Ça rappelle vraiment ce côté radio et même ce côté ces vieux dramas radio qu'il y avait dans les 50 où ils racontaient des pièces, tout ça aux États-Unis, c'était super intéressant. Et c'est une manière justement de générer en fait chez les gens l'envie de partager, de jouer et puis de créer peut-être. Donc voilà, donc Jérémy, je te remercie beaucoup d'avoir participé. Mais celui qui mérite le plus de merci, c'est bien toi, parce que laisser une telle fenêtre d'expression aux invités et nous permettre justement de parler peut-être un peu plus de nous et un peu plus de ce qui fait de ce qui fait quelque part ce qu'on est et qui va constituer ce qu'on fait forcément derrière, hein, parce que tout est lié. Bah, je trouve que c'est une super idée, et tu le fais en toute humilité, tu laisses beaucoup parler les gens, et je parle beaucoup trop. Mais en tout cas, c'était vraiment un super moment partagé avec toi. Et juste avant de partir, dans une conversation comme ça, je me suis dit quand même, il faut bien que je lâche la phrase un peu que je garde dans un coin de ma tête en permanence. Et c'est une phrase de Xavier Dolan qui est très connue, qui dit forcément que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Et ça peut sembler encore une fois bateau, mais cette phrase-là, elle est super, super importante. Quoi que vous soyez amené à faire dans la vie, que ce soit au niveau créatif ou même au niveau entrepreneurial ou en tout cas tout ce qui va vous tenir à cœur, ben, répétez-vous cette phrase. Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. C'est une phrase que je me répète énormément. Et dans les moments de faiblesse au niveau créatif ou même dans les moments de faiblesse tout court, c'est important de se la dire cette phrase, parce qu'on parle quand même d'un réalisateur qui a 25 ans, a touché un prix au Festival de Cannes, a été repéré par les plus grands et salué par les plus grands. Donc on parle de quelqu'un qui a osé, et c'est important d'oser dans la vie. C'est quelque chose aussi de très important, je trouve. Bah écoute, je dirais pas mieux, et je pense que après chacun accordera de la valeur aux mots, aux choses comme il le souhaite, mais je pense pas qu'il y ait de lieu commun ou pas. C'est toujours la manière dont les choses résonnent en nous et dont après on peut les intégrer et après justement en faire des moteurs. Donc tu me fais bien de parler de cette phrase-là. Tu sais, moi je me répète souvent un sic parvis magna, hein, qui est dans Uncharted, qui est la célèbre devise de Sir Francis Drake qui a existé, qui veut dire en fait partir de débuts modestes et atteindre la grandeur à travers ça. Et ça me fait de sens pour moi aussi. Donc t'as bien raison d'avoir des maximes, c'est des choses qui nous font avancer. C'est comme le collier que tu portes de fauve. Moi-même j'ai aussi un truc, c'est plutôt un collier égyptien, mais c'est pareil, ça a une valeur pour moi. Et je pense que c'est important aussi de pas regarder forcément ce que font les autres ou pas, c'est d'avoir ses propres valeurs, surtout d'être en accord. Donc tu as bien fait de partager cette phrase-là avec nous. Et donc ben, en guise de partage, moi je vous remercie toutes et tous d'avoir écouté cette émission jusqu'à la fin. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, portez-vous bien et vivez d'amour et d'histoire.